Vous écoutez France Culture. Le Salon Noir. Pour tout historien, l'actualité de juillet 2014 porte sur le centenaire de l'assassinat de Jean Jaurès. Magazines et émissions d'histoire ont salué le grand homme, le pacifiste. Les historiens ont retenu le nom de son assassin ultranationaliste, Raoul Villain, mystique d'extrême droite, déséquilibré, prenant la guerre, mais acquitté de son meurtre dès mars 1919. Curieusement, les archéologues n'ont pas retenu que Raoul Villain était étudiant en archéologie à l'école du Louvre, notamment. Quoi qu'il en soit, en septembre 1936, il fut fusillé par des anarchistes espagnols aux Baléares. L'actualité pour notre dernier Salon Noir de la saison ne peut être que la découverte d'une exceptionnelle sépulture aristocratique gauloise en Champagne-Ardenne. Je me suis donc rendu à Warcq pour découvrir cette fouille du service archéologique des Ardennes et de l'INRAP. Très bien conservé, je t'avouerai. Mais après, c'est déjà un miracle. On a encore le. Remonter la petite languette du bois, mais on n'a plus de l'autre côté, c'est ça là où tu es en train de gratter. Non, bah là je pense que il y a encore le bois, mais ouais, d'accord, c'est la même planche. Ok, bah, Olivier Brun, nous voici sur un chantier antique au départ. Oui, au départ, effectivement, on a une équipe missionnée pour fouiller une grosse occupation rurale romaine, une villa si on veut faire rapide. Qui a fouillé pendant plusieurs semaines cet ensemble, avec notamment des bâtiments, dont un bâtiment effondré sur lui-même suite à un incendie, et en dégageant cet effondrement, est apparu une structure sous ce bâtiment. Le mur antique que l'on voit à côté, c'est le vestige donc de ce bout de villa que vous fouillez à l'époque ? C'est effectivement le témoin laissé en place pour bien se souvenir de cette présence. Donc, dégagé maintenant en dessous, et donc le mur en lui-même recouvrait également en partie cette structure. Alors on s'attend à quoi quand on tombe sur ce genre de structure? On pense immédiatement à par exemple une grande fosse d'époque antique? On avait à l'opposé de l'autre côté du bâtiment une cave. Les caves accompagnent souvent les bâtiments romains, donc on pense à ce genre de choses et on se met en branle pour fouiller une cave romaine. Alors vous utilisez des machines modernes, une sorte de pelleteuse, vous faites un test du coup. Voilà, un test plus ou moins au milieu de la structure, un test mécanique, alors par passe fine de quelques centimètres, qui montre qu'effectivement on a une structure relativement profonde. Et à l'intérieur, on arrête la pelle lorsqu'elle dégage un fragment de dent animale. Et puis là, on commence à nettoyer plus finement à la main. Apparaissent également des bandages de roues et d'autres objets. Bertrand Roseau, vous étiez le responsable de ce test, de ce diagnostic à l'époque. J'étais responsable de l'opération de fouille du site gallo-romain en fait. Et c'est donc nous, moi et mon équipe qui avons mis au jour ce bâtiment et ensuite la tombe qui est émergée sous les couches d'effondrement du bâtiment. Voilà. Là, vous avez tout de suite pensé que vous pouviez avoir affaire à une vraie tombe d'époque gauloise ? Absolument pas. On a commencé par se poser beaucoup de questions et on n'a écarté aucune possibilité. Tout d'abord, on a pensé effectivement à une cave. Et puis, à force de mettre au jour les objets, on a fini par se poser la vraie question. Mais est-ce qu'on n'aurait pas là une tombe à char ? Et les objets que nous avons trouvés au fur et à mesure de l'opération nous ont confortés dans cette idée. À ce moment-là, on a commencé à consulter différents spécialistes, les agents du service régional de l'archéologie, qui nous ont dit, effectivement, vous avez raison, on peut considérer qu'il s'agit bien d'une tombe à char. Olivier Brun, c'est un sujet que vous connaissez bien, ces tombes à char ? Oui, effectivement, avant d'être dans les Ardennes, j'ai travaillé aussi sur la Marne, donc effectivement, ces secteurs, et on a, au 5e siècle avant notre ère, une concentration de tombes à char au sein du geste funéraire gaulois, mais qui s'arrête aux crêtes préardennaises, à la fin de la plaine crayeuse. Et puis au nord, c'est la grande question, on n'en a pas et on serait sur une des frontières de cette culture qu'on appelle l'Aisne-Marne. C'est-à-dire que dans une partie des Ardennes, on n'a absolument pas de tombe de ce type-là parce que justement, on n'est pas sur la craie. Est-ce que ce serait tout simplement lié aux méthodes d'investigation ? Pendant longtemps, on n'avait pas la réponse à cette question, puisque la méthode de découverte, c'était la sonde champenoise, qui porte bien son nom. On enfonçait un élément métallique dans le sol, et s'il s'enfonçait plus profondément, ben, on avait un trou et en général une tombe. Donc ça, ça marche bien sur la craie, qui est plus dure que le sédiment qui est tombé dans ces structures. En remontant, on arrive sur des sédiments plus argileux, plus sableux, et ce geste de détection ne fonctionne plus. Avec les méthodes de diagnostic archéologique à l'appel mécanique, on n'est plus limité par le substrat et ce vide, notamment avec les 10 ans de recul et puis une autoroute qui a vraiment fait un transect nord-sud, confirme qu'on a bien un vide dans ce geste funéraire et sur non seulement les tombes à char, mais toutes les nécropoles qui les accompagnent donc dans la culture Aisne-Marne. La fosse fait à peu près combien de mètres carrés ? Alors la fosse fait 5,50 m de long sur 2,80 m, ce qui fait à peu près 15 mètres carrés hors tout. Là, vous êtes à peu près à quelle profondeur ? Là, on est environ à 80 cm de profondeur sur le niveau d'apparition du plafond de la tombe, qui donc s'est écroulé en fait, sous le poids des sédiments qui devaient se trouver par-dessus. En fait. Comment peut-on s'imaginer cette structure à l'époque gauloise ? Bien sûr, rien n'était visible. On peut imaginer qu'il y avait un très gros tertre de terre, voire de pierre par-dessus ? C'est fort probable, c'est en tout cas les modèles qu'on connaît. Un tumulus qui signale la tombe au loin. Et sous le tumulus, en fait, une chambre funéraire creusée dans le sédiment et avec un bardage de bois, en quelque sorte, sur les côtés, sur les parois et un toit aussi en bois, effectivement. C'est-à-dire que ce que l'on voit en ce moment, c'est la chambre funéraire et tout l'appareillage en bois qui était au-dessus et en dessous ? Qui était au-dessus, en ce moment, sur les côtés, parce qu'on a aussi les parois. Pour le dessous, il faut attendre encore un peu qu'on démonte le plafond et qu'on voit ce qui se passe en dessous. Est-ce que cette tombe est totalement isolée ou tout au contraire, elle appartient à un ensemble plus complexe, une nécropole ? Alors pour l'instant, il est bien difficile de le dire, parce qu'on n'a effectivement que celle-ci à cet endroit. Mais les opérations futures pourraient amener de nouvelles découvertes, ça on n'est pas à l'abri. Est-ce que ça nécessite une fouille un peu particulière, ce genre de sépulture ? On peut s'imaginer que c'est particulièrement fragile ? C'est extrêmement fragile, c'est pour ça que en fait, nous avons des spécialistes présents sur la fouille pratiquement en permanence, qui nous apportent leur expertise et leur façon de traiter le mobilier, qui permet de le consolider sur place et de le prélever en toute sécurité. En fait. Vous êtes déjà sur le corps de l'individu, du défunt ? Alors pour l'instant, non, il faut effectivement qu'on enlève le toit. Apparemment, il semblerait qu'il y ait des os humains, mais alors ça reste encore très hypothétique pour l'instant. Pourtant, des os, j'en vois là. Alors ce sont les os de deux chevaux qui ont été trouvés dans l'angle nord-ouest et l'angle sud-ouest, donc ne sont pas des os humains, mais des os d'animaux, et qui sont très importants effectivement parce que en général on ne retrouve pas d'attelage, en tout cas pas de chevaux dans les tombes à char. Voilà. On n'en a jamais trouvé en Ardennes des chevaux ? Un des problèmes sur les tombes à char, mais là du 5e siècle avant, a permis, en fouillant les fossés, c'est la première représentation du cheval dans ces tombes à char, donc char tiré par des chevaux, il y a des os de pattes qui ont été découverts par Bernard Lambeau dans le fossé d'une tombe. Donc pas dans la tombe, mais plutôt une représentation à l'extérieur. Alors comment peut-on donner une image aux auditeurs qui nous écoutent ? Nous sommes dans une sorte de une structure quadrangulaire, 80 cm de profondeur. Aujourd'hui, vous avez des sortes de grandes planches sur lesquelles les archéologues travaillent, qui masquent d'ailleurs le centre de la fouille et de la tombe par la même occasion. Comment s'organise donc cette tombe ? Les chevaux seraient à l'avant ou à l'arrière de la tombe ? Sur la manière dont c'est disposé, ce qu'on voit, c'est qu'on a ces bandages de roues qui sont aux deux tiers de la longueur de la tombe. Les chevaux, en tout cas pas attelés. Alors de quel côté sont-ils du char ? Pour l'instant, on ne le sait pas, mais on imagine avec ces roues à deux tiers de la fosse et puis de l'autre côté de la tombe que les chevaux, un élément en bois et en bronze qu'on imagine pour l'instant, en tout cas on émet l'hypothèse que ça pourrait être un élément du timon. Mais ce n'est pas encore vérifié. Sachant que si on a ce timon d'un côté et les roues à deux tiers, on peut être dans la longueur du char, donc on peut avoir un char complet, mais il est aussi tout à fait possible que le char soit déposé en plusieurs morceaux. C'est quoi un timon ? Le timon, c'est le mât avant qui relie la caisse du char, donc là où les personnes sont installées, qui passe entre les deux chevaux, un cheval de chaque côté, de manière à pouvoir les atteler et à leur permettre de tracter le char. Des tombes à char, on en trouve, je dirais, tous les 4 ans à peu près, une. En général, comment repose l'individu ? Sur ces tombes à char, l'individu est déposé sur le timon et la caisse, peut-être avec des systèmes de brancards lorsqu'il dépasse plus sur le timon. Et donc là, un des enjeux, c'est d'avoir certaines parties du char en bois également conservées, ce qui permettrait de préciser la manière dont cet individu, s'il était dans la même position, tiendrait en équilibre sur ce timon qui fait quelques centimètres de large. Donc si je comprends bien, une des caractéristiques et une des particularités de cette tombe dans laquelle on a déposé un char puis ensuite un individu, c'est que le bois est bien conservé, c'est ça ? C'est l'une des particularités, effectivement, c'est l'état de conservation du bois qui va sans doute nous permettre d'abord de reconstruire une partie de l'architecture de la tombe et ensuite peut-être d'obtenir des datations assez précises par la dendrochronologie en fait. Alors on va s'avancer, là il y a une sorte de carré avec une trame, j'imagine que c'est pour relever le toit, c'est bien ça ? C'est pour effectivement pour faire du relevé du dessin en plan, des planches, en tout cas du toit en ce moment effectivement. Et puis légèrement à gauche, dans l'autre moitié, une sorte d'amas de bronze, visiblement très beau, très oxydé, qui émerge. Alors oui, on ne sait pas encore bien ce que c'est. En tout cas, on a différents anneaux qui sont, semble-t-il, accrochés à une espèce de manchon qui est lui-même sur un bout de bois, en fait, qui pourrait être l'extrémité du timon, effectivement, du char. Olivier Brun, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est effectivement l'hypothèse, et puis on l'a vu apparaître petit à petit. Là, il est déjà ce manchon semble entièrement dégagé, mais le morceau de bois conservé à l'intérieur continue, donc on n'a qu'une longueur minimale. Et on est, comme le dit aussi la spécialiste du métal qui est présente là, des objets. Hein, on est sur du matériel qu'on ne connaît pas, pour lequel on a très peu de repères. Donc il est difficile d'être affirmatif pour l'instant, mais la fouille continue encore. Et effectivement, c'est pour l'instant l'hypothèse la plus probable. Et si tel était le cas, au-delà de l'aspect très visuel, très beau de ces objets, on arriverait à obtenir des connaissances supplémentaires sur la manière dont sont faits ces chars. On a déjà sur l'architecture avec le bois, mais là, sur le char, on a souvent des représentations des objets métalliques, alors les bandages de roues, les décorations en métal, mais de voir comment tout cela s'imbrique avec les éléments en bois ou dans d'autres éléments organiques qui habituellement disparaissent. C'est une des problématiques de cette fouille. Est-ce que l'on ne pourrait pas être sur des objets d'apparat pour les chevaux ? On sait par exemple que les chevaux avaient à l'avant ce que l'on appelle une phalaire, une sorte de disque. Là, vous en avez plein de disques. Alors là, pour l'instant, on en a même presque trop. Effectivement, on est dans des éléments qui participent pour les phalaires du harnachement et de la décoration. On a de toute façon là quelque chose de très décoratif. Si on est à l'avant du timon, on est presque dans le système du harnachement déjà. En tout cas, on est à la jonction. En tout cas, ces disques, on en a pour l'instant 5, sachant qu'une partie peut être encore dissimulée sous le toit. Et les phalaires sont en général en nombre pair. Donc pour l'instant, soit il nous en manque, soit on en a un de trop. Ce que l'on voit tout au fond, ce sont les bandages des roues du char. Ces bandages-là, c'était des objets de très grande valeur chez les Celtes. C'est des objets de valeur dans le sens où bah, il y a le métal, il y a le savoir-faire. Et effectivement, tout cela participe de l'apparat de la tombe. Sa dimension en elle-même, les objets qui sont déposés dedans, le fait d'avoir les chevaux qu'on ne retrouve habituellement pas dans les tombes à chars, le mobilier, effectivement, le fait d'enterrer le mort avec, d'une part on représente le mort éventuellement tel qu'il était vivant, ça ce sera à préciser en avançant la fouille, et puis on est dans l'ostentatoire, on représente aussi le niveau social ou la place sociale de cet individu. Bertrand Roseau, ces tombes à char, elles émergent à peu près quand durant l'âge du fer ? Alors si je me souviens bien, au 7e siècle avant Jésus-Christ, elles perdurent jusqu'à l'arrivée de la conquête romaine en fait, donc jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et qui se fait enterrer sur son char ? Essentiellement des aristocrates, et donc comme on est dans le monde gaulois, on va dire des aristocrates guerriers, donc des gens qui ont un certain statut social, donc les moyens surtout de se faire enterrer avec de l'or, des chevaux, et puis des objets en bronze décorés de toutes sortes. Et puis un char quand même, parce que ça devait valoir quand même quelques heures de travail. Femmes et hommes sont enterrés sur des chars ou uniquement les hommes ? Femmes et hommes, oui, effectivement. On est, comme le disait Bertrand Roseau, sur une aristocratie qu'on imagine tirer sa légitimité du symbole guerrier, mais ce ne sont pas forcément des guerriers qui sont installés sur ces chars. C'est la représentation de leur place dans la société. Donc effectivement, des hommes et des femmes. Parfois des enfants également. Vous avez mis en place un système de chaînes et de poulies pour pouvoir lever les planches pour que les fouilleurs fouillent, c'est bien ça ? Oui, alors nous avons demandé à un prestataire de nous prévoir un système qui nous permette de fouiller sans poser pied à terre, en fait. Donc il a mis en place un système avec des plateformes qui peuvent se déplacer soit en hauteur, on va dire, soit latéralement. Donc voilà, c'est d'où le bruit des chaînes qu'on vient d'entendre pour faire remonter les plateformes. Une sorte d'élévateur. Les roues donc sont au fond par rapport à nous. Ces roues, ou du moins les bandages des roues, sont tombées. On peut penser qu'elles étaient verticales quand elles ont été déposées dans la tombe. Alors, pour l'instant, il est un peu tôt pour le dire. En tout cas, on les découvre à peu près à l'horizontale. C'est une des différenciations avec les tombes qu'on connaît bien dans la plaine crayeuse. C'est que souvent, mais pas systématiquement, les roues sont installées dans des encoches creusées dans le sol de manière à permettre à la caisse de reposer sur le sol de la tombe. Donc on surcreuse pour que la partie inférieure des roues soit plus enfoncée. Ici, puisqu'elles ont pu tomber à l'horizontale, elles n'étaient pas dans des encoches qui les auraient maintenues debout. Après, quant à dire si elles étaient déposées debout, donc avec un autre système pour les tenir, éventuellement la caisse entre les roues, ou si elles ont été déposées directement à l'horizontale, la réponse dans quelques jours. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas encore déterminer, vu que vous êtes sur le toit, si le char est entier ou totalement démonté. Là, pour l'instant, il semble qu'on ait bien eu un char complet. On a des éléments de plusieurs parties de ce char. Mais est-ce qu'il était en position fonctionnelle, donc entier ou en pièces détachées ? Nous n'avons pas encore la réponse. Qu'est-ce que l'on sait sur les Gaulois de Warc, et soyons un peu plus larges, des Gaulois dans les Ardennes ? On est chez qui, d'ailleurs, pour les périodes récentes ? Dans les Ardennes, on est à cheval, on a la partie sud où on est chez les Rèmes et la partie nord qui se partage entre plusieurs tribus, c'est le vocable utilisé, bien qu'on ne sache pas très bien ce qu'ils représentent. Et on est peut-être ici, sur le nord, sur une de ces frontières de l'Aisne-Marne, puisqu'on a à quelques centaines de mètres découvert la première attestation de cette culture Aisne-Marne. Bah donc lors de sondages archéologiques il y a 3 ans, je crois. Voilà, donc ça, l'Aisne-Marne au 5e siècle, donc on serait sur une zone frontière, et une zone frontière qui s'est répétée à plusieurs périodes de l'histoire, et donc également à la fin de la période gauloise, au moment de la conquête. On sait aussi, pour le secteur local, qu'on a un axe de circulation, dont on connaît souvent la voie romaine Reims-Charleville-Mézières, qui représenterait un axe Reims-Cologne, mais on a à peu près dans le même axe un pont daté de la période gauloise, du début du 1er siècle avant notre ère. Donc un axe de circulation routier, et puis on a la Meuse également, qui est important. Émilie Millet, vous êtes la spécialiste de la culture matérielle, vais-je dire, des objets de cette tombe, du moins vous travaillez là-dessus, et vous travaillez aussi donc sur les tombes à chars. Là, désormais, nous sommes près des roues, nous en voyons une à droite, l'autre à gauche, donc nous sommes vraiment dans l'axe du corps, qui n'est pas encore fouillé. Une sorte d'amas de bronze sur le côté gauche, près de la roue. Alors, effectivement, dans la partie centrale du bandage de roue, on a certainement les garnitures en alliage cuivreux du moyeu de la roue. Donc, il y a une pièce, en fait, qu'on ne connaît pas, hein, mais qui est dotée d'une petite ornementation en pâte de verre jaune et qui est certainement liée au système de fermeture avec la clavette. Et de l'autre côté, on a une sorte de cette partie qu'on suppose être l'essieu, on a un cabochon qui est lui aussi la partie de l'extrémité de l'essieu. Voilà. des objets intégrant d'un côté du bronze avec du verre dessus. Moi, je n'en ai jamais vu. J'ai vu des objets avec du corail. Ça arrive assez souvent pour les périodes anciennes, du moins pour le second âge du fer. Mais du verre, c'est rarissime. Eh ben, c'est inconnu pour moi. Enfin, à ma connaissance, on ne connaît pas ce type d'objet de matière, surtout en rapport avec une tombe à char. Donc c'est, là, on est vraiment en présence d'un char unique de par ses pièces. Donc maintenant, on va essayer de rechercher des comparaisons, mais pour le moment, il n'y en a aucune. Le moyeu, c'est bien sûr le centre de la roue. C'est tenu en général, pour éviter que la roue ne parte pas, c'est tenu par une sorte de clou, hein, que l'on appelle la clavette. La clavette peut être en général extrêmement décorée. Oui, mais là pour le moment, vous voyez, c'est en cours de fouille, donc on ne l'a pas encore trouvé. La petite patte de verre, en fait, serait plutôt placée à l'extrémité d'une sorte de système d'agrafe, en fait, dans lequel serait insérée cette fameuse clavette. Mais pour le moment, on ne l'a pas trouvé, mais c'est en cours de fouille. Voilà. C'est-à-dire que le système de fixation de la roue pourrait être différent de d'habitude ? Différent, non, je ne pense pas, mais vous voyez, là, en l'état, c'est difficile de répondre. Hein. On est juste à côté d'un cercle de fer, donc un bandage de roue, ensuite une sorte de planche en bois. On peut imaginer trouver carrément la roue entière ? Cette question se pose en effet puisqu'on a un fragment, bon, c'est encore c'est en cours de fouille, donc on a une pièce en bois qui est semi-circulaire, qui est recouverte de fines feuilles d'or et on se demande si ça ne pourrait pas participer au plaquage de la roue en fait, peut-être placé au niveau des rayons de la roue et cela à titre ornemental, toujours dans cette idée de char, d'apparat et d'ostentation. Alors vous avez dit un mot qui résonne chez les archéologues, de l'or, vraiment de l'or ? Oui, ce qui a l'air d'être, ça a l'air d'être de l'or, de la très très fine feuille d'or. C'est très difficile à fouiller parce que ça colle en fait aux outils. Donc on essaye de préserver ça au mieux avec des méthodes de consolidation et on essaiera de le prélever ensuite en bloc pour le radiographier. Donc peut-être qu'on aura un décor avec ces feuilles d'or, peut-être pas, mais au moins on aura ce cliché radiographique de cette peut-être plaquage de roues en fait. On a déjà des parallèles avec des roues dorées chez les Gaulois ? À ma connaissance, non. Voilà, donc là aussi on va essayer de faire des recherches pour élucider ce mystère. Donc on serait bien sûr plus dans l'apparat que dans la guerre ? Oui, moi je pense que oui, en effet. Mais on a deux bandages de roues, peut-être qu'il y en a-t-il quatre, puisque c'est toujours en cours. Mais oui, moi je pense qu'on est plutôt dans du char d'apparat. De l'or, puisque vous étudiez le matériel des tombes à char, de l'or, on en trouve fréquemment dans ces sépultures ? Pour l'Athènes ancienne, oui, dans les tombes princières, pour le Hallstatt final aussi. Pour ce qui est de l'Athènes D, c'est plutôt très rare, je dirais. Voilà. Alors vous avez utilisé trois mots compliqués. L'Athènes D, de quelle période s'agit-il ? Donc on se situe au 2e, 1er siècle avant, pour faire très gros. Donc si je comprends bien et si je décrypte ce que vous dites, on pourrait être sur une sépulture assez tardive chez les Gaulois. Il s'agirait peut-être d'une tombe d'un aristocrate ou d'une aristocrate celte de cette période du 2e, 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc jusqu'à la conquête ? Oui, jusqu'à la conquête. Mais vous voyez, pour le moment, les éléments métalliques qui ont été fouillés ne permettent pas de préciser plus la chronologie. Donc vous voyez, ça reste encore à l'état d'hypothèse. Alors allons-y pour les hypothèses. Qu'est-ce que l'on devrait avoir, normalement, sous ce toit qui va bientôt être fouillé ? Alors moi, j'aimerais bien avoir un char à quatre roues. Bon, ce qu'on attend, c'est toutes les autres pièces de garniture de la caisse du char, les éléments métalliques liés au timon, les éléments métalliques liés aux avant-trains, à l'avant-train du char, enfin toutes ces pièces métalliques qui composent le char à deux ou quatre roues. Et puis, il va y avoir du mobilier. Si on se fait enterrer sur son char, c'est qu'on part aussi dans l'au-delà avec bien d'autres choses. Alors on suppose, alors s'il s'agit d'une inhumation, on suppose que s'il s'agit d'un homme, qu'il sera peut-être en armes, donc peut-être une épée dans son fourreau, avec des accessoires vestimentaires. S'il s'agit d'une femme, on peut très bien attendre une très belle parure annulaire, pourquoi pas associée avec des colliers de perles. Voilà, et également, sinon, bon là je vous parle du costume funéraire, mais il peut s'agir aussi d'offrandes, de dépôts de quartier de viande, donc ça peut être des petits cochons, et aussi des dépôts de céramique. Et justement, la céramique, vous n'en avez aucune pour l'instant ? Pour le moment, rien, mais on se situe quand même dans la partie supérieure de la chambre funéraire, donc on peut espérer en avoir dans la chambre funéraire. L'homme, s'il s'agit d'un homme, il est forcément équipé de son épée, voire même peut-être de son bouclier. Je sais que vous en avez fouillé un très très beau, pas si loin d'ici d'ailleurs, il y a environ un an. Oui, vous parlez du site de Buchères dans l'Aube, mais là c'était la fouille d'une sépulture de guerriers du 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ. Et là, le défunt était doté de son épée glissée dans le fourreau, maintenue par un système de suspension, et déposé sur le corps, en avant de tout cela, un bouclier de forme ogivale, enfin semi-ogivale, aux extrémités. Et donc c'était une pièce qui est particulièrement rare, ou du moins qu'on ne rencontre pas si fréquemment de manière aussi complète. Si c'est un homme, donc je reprends, il pourrait être en armes avec son épée ? Oui, je pense, parce que pour ce qui est de la période de ces deuxièmes, premiers siècles avant Jésus-Christ, on a tout à... Oui, normalement on devrait avoir le fourreau et l'épée. Et puis quelques bijoux comme des fibules ? Ah bah oui, les fibules également pour ce qui est des hommes. Bon, les hommes sont généralement beaucoup moins parés. Ils peuvent être dotés d'un bracelet ou d'un brassard, mais ça c'est pour des périodes un peu plus anciennes. Mais bon, si je reviens sur les femmes, là pour le costume funéraire féminin, en fait, on a vraiment une quantité de parures annulaires beaucoup plus importante, le torque, les brassards, des bracelets, des anneaux de cheville. Mais là encore aussi pour les femmes, des accessoires vestimentaires de type fibule et ceinture. Pour les hommes, c'est beaucoup plus réduit. On ne retrouve pas généralement pas de torque, c'est plutôt rare. Et pas d'anneaux de cheville, c'est purement féminin et pas de ceinture. Voilà. Pourtant, dans les illustrations et même dans la sculpture, je pense au Gaulois mourant, le Gaulois vaincu, il porte un torque, les hommes portaient des torques. Mais oui, alors ça c'est une question difficile que vous me posez, parce que effectivement c'est une curiosité. C'est vrai que le Gaulois représenté dans la statuaire par exemple est généralement doté de son torque, alors que en contexte funéraire on se rend compte que les torques sont généralement portées par les femmes, hormis dans les tombes dites princières. Alors je pense ici par exemple à la tombe du Glauberg en Allemagne, où là on a un homme qui est doté d'un torque. Mais dans ce cas-là, les torques portés par les hommes sont des pièces uniques, et puis bon, là dans ce cas toujours des matériaux précieux. Mais normalement le torque est porté par les femmes. Donc c'est une curiosité qu'on explique difficilement. Est-ce que ça peut être lié à une forme d'insigne lié à une certaine élite? Voilà, la question reste posée. Et puis on peut penser aussi qu'il y aurait de l'or, puisqu'il y en a déjà. Ça paraît assez évident, s'il s'agit bien évidemment d'une inhumation, de trouver des parures annulaires en or. Vous avez encore à peu près une semaine à fouiller ? Vous saurez tout ça dans une semaine ? On espère, on travaille intensément et on essaye de faire en sorte que ce soit fouillé au plus vite, afin de tenir au mieux les délais. Pour conclure, on peut dire que on est déjà sur une très grande tombe, une tombe à char extrêmement vaste, 15 mètres carrés de coffrage, de chambre funéraire, c'est déjà très grand, de l'or, des roues en or, tout ça très tardif, tout ça fait quelque chose, fait une sépulture très très originale dans les Ardennes et en France. Ah bah dans les Ardennes, je voudrais pas m'avancer trop vite, je pense que c'est unique. À l'échelle nationale, c'est vraiment très rare, hein, ces tombes princières de cette période de la TND. Je peux vous citer la tombe de Bouet et de Verna, qui ont été étudiées par Martin Schoenfelder. C'est vraiment des tombes assez, assez rares. Depuis mon passage, 4 chevaux seraient présents, mais aussi 2 individus, dont un genouillé peut-être sacrifié, pour accompagner son maître dans l'au-delà. Partenaire du Salon Noir, le magazine Archéologia nous livre ce mois-ci sa moisson Alexandrie, le grand site antique de Jublin, la Forensic Anthropology, enfin l'exposition Tumulte Gaulois de Clermont-Ferrand. La semaine prochaine, le Salon Noir cède la place au programme d'été. Rendez-vous donc dès les premiers jours du mois de septembre. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadja. Béja, à la technique Vincent René, attaché d'émission Catherine Donnet.